temps qu'on accueille Caroline, bonsoir. Allô Caroline, s'il te plaît. Ah, s'il vous plaît, là, on se réveille, merci. Caroline. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Oui, bonsoir. Olivia. Bonsoir mon tendre Gérard. JP. Oui Gérard. Bon, réveille-toi JP, parce que tout à l'heure, je travaillais, ça va aller vite. Je suis réveillé Gérard. Ouais, mais réveille-toi, je te le dis tout de suite. Je suis réveillé. Ouais, mais tu vas voir, moi je vais te réveiller, moi. Tu vas voir si tu vas dormir. Oui, bonsoir. Bonsoir mon chou. Ta gueule, je suis pas ton fou, je couche pas avec toi, d'accord? Tu as déjà pas commencé. Gentleman. Bon, déjà lui, tu as déjà lui dire pas. Je le calme. Tu restes un peu poli. Où je me réveille ou... Non, mais tu as déjà resté un petit peu poli, s'il te plaît. Donc, voilà. Et Carole, bonsoir. Oui. Carole. Oui. Est-ce que je peux avoir Carole, s'il vous plaît? Elle est là, Gérard. Bonsoir. Carole, rebonsoir. Gérard, Carole, c'est inhabituel. C'est pas vrai. J'ai reconnu ta voix. Si ça te fait pas, JP, c'est le même prix. Non, c'est Louis. Et si ça te fait pas, Louis, c'est le même prix. Ah, d'accord. Gérard, tu dis tout le temps que t'aimes pas les habituels. Mais la semaine dernière, c'était pas là, Gérard. Je le sais, Carole, merci. Bon, Olivier, s'il te plaît, t'as envie de faire un peu de temps. Non, mais attends. S'il vous plaît, vous la fermez maintenant. Restez poli, s'il vous plaît. Non, mais attends. Bon, première question, Gérard. Monsieur Juppé, Première question, Gérard. Sur l'humour. Gère ton débat, Gérard. Pensez-vous qu'il faille avoir de l'humour? Pensez-vous qu'il faut avoir de l'humour pour faire de la radio? Alors, on va demander à Louis, comme il a une grande gueule. Bah oui. Je pense que non. Tu en es la preuve vivante. T'as pas du tout d'humour et tu fais de la radio. Bah oui, mais non, mais j'ai pas dit que ça me plaisait pas. J'ai dit que c'est comme ça et puis c'est la vie. Dis donc, tu serais pas passé dans ce matin. Enfin, écoutez, mais pas du tout. Enfin, écoutez, monsieur. Gérard, j'ai reconnu, c'est pubert. Ouais. Allez, bonne nuit pour lui. Bonne nuit. Non, Gérard, on accueille un Belge qui vient nous appeler, c'est Michel. Salut Michel. Bonsoir Gérard. C'est Michel de Tarascon. Non, tu me calmes, Louis et JP, s'il te plaît. Tout à l'heure, ils vont dégager tous les deux d'un seul coup. Putain, mais j'ai rien dit. Allez. Déjà, putain, tu vas déjà rester poli. Pour commencer. Avant la suite, hein. Parce que si vous continuez à 3h30, le débat est clos. Allez, première question. Bon, toi, t'arrêtes, s'il te plaît, tu me laisses ma plus sous-calée. D'accord? Oh, son âne. Bonsoir, c'est Michel de Tarascon. Bonsoir, Michel. Bon, allez, tu me calmes tout le monde, là. Parce que tout à l'heure, ça va aller vite, hein. Gérard, première question, s'il te plaît. Pensez-vous qu'il faut avoir de l'amour de l'humour pour faire la radio? Non, on vient de te le dire. C'est-à-dire, Caroline? Bah, t'en es la preuve vivante. Et c'est pourquoi? T'as pas d'humour et tu fais de la radio, non? Bah, moi, j'ai de l'humour avec qui je veux. Moi, à mon goût, il faut de l'humour, parce que pour encaisser tout ce qui porte... Non, mais de toute manière, t'inquiète pas, j'encaisse, je suis habitué maintenant. Hein. C'est beaucoup d'humour, parce que sinon, il y a longtemps que t'en aurais marre. Hein. D'accord. Stéphanie? Bah oui, c'est Stéphanie qui parle. Je disais qu'il faut avoir beaucoup d'humour parce que des fois, on lance des débats à nos animateurs et s'il n'y avait pas d'humour, je crois qu'il y a longtemps qu'ils auraient abandonné. Bon, allez, hop, Cyril. Alors je réponds qu'il faut avoir extrêmement d'humour pour faire de la radio. J'ai un exemple. Et Max est un exemple aussi. D'accord. Alors, je ne suis pas mélanger les torchons, les serviettes non plus. Quoi. D'accord. JP, s'il te plaît. Ouais, bah moi je trouve qu'il faut énormément d'humour pour faire de la radio. D'humour, il faut s'appeler Alexandre et avoir une grosse contrebasse. Ok. Je pourrais parler? Vas-y, JP, allez-y. Non, mais je pense qu'il faudra de l'humour, mais bon, je fais de la radio. Ouais. La preuve suivante que t'es d'humour, Gérard, faut... Bof, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Louis, s'il te plaît. Alors, je pourrais répondre. J'ai répondu le premier. Bon, Carole pourrait répondre. Carole, vas-y. Alors, moi, je dirais que Gérard a beaucoup d'humour parce que quand il dit les points sur les i, quand il fait les poils et tout ça, c'est de l'humour. Hein. Mm-hmm. Bon entendeur, salut. C'est de l'humour. Hein. Attends, avoir. La gueule, la ferme dégage au standard. Il n'a pas de vocabulaire, hein. T'appelles ça de l'humour. Mais c'est de l'humour quelque part. Hein. Mais non, où c'est pas de l'humour. Ouais, c'était pas de l'humour, l'attends. Non, c'est pas de l'humour, c'est de la tristesse. Non, c'est de l'humour. C'est ça qui fait bosser à la radio, je vous signale. Bon. Michel, c'est pas d'accord, hein? Oui. Moi, je pense qu'il peut avoir beaucoup d'humour. Moi, je suis de... une radio locale en Belgique. Mm-hmm. J'ai une blague, est-ce que je peux la sortir? Non, mais vas-y. Tu peux y aller? Vas-y. Gérard, c'est un débat sur l'humour, on peut faire des blagues. Bah hein. Oui. Bah oui, alors j'y vais, Gérard. Bah vas-y. Alors, c'est deux garçons qui sont à un mariage, qui s'approchent du buffet, et l'un dit à l'autre, Jean-Paul, je te sers du vin. L'autre répond, oui, merci, mais moi, c'est Yves. Ah, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas... Non, c'est pas grave. Okay, tu veux... Mais t'as pas compris, c'est des PD. C'est pas du tout PD. Bon, croyez-vous qu'une nana a plus d'humour que les mecs? Ah non. Attendez. Alors maintenant, je vais demander aux grandes gueules, Louis et Philippe, de répondre. Attendez, les filles. Louis, j'arrivais pas à le gérer, il est parti. C'est bien. Alors, JP. Ouais, bah moi je pense que les filles ont vraiment pas d'humour, parce qu'à peine tu leur dis une petite blague, elles te font la gueule, tout ça. Mm-hmm. Puis voilà, bon, les hommes sont beaucoup plus drôles que les filles mm-hmm. n'ont sont carrément pas drôles, et puis d'accord. Voilà, les filles ils ont bien JP. Font chier. Oui JP. Oui, Gérard, je t'écoute. JP, je te préviens d'une chose, que là t'as tout faux sur ce que tu viens de me... la réponse que tu viens de me donner. Ouais, ouais, c'est vrai que quand on a un mec comme toi, on pourrait pas dire que les mecs ont plus d'humour que les filles. Non, mais tu sais qu'avec avec un mec comme moi, on s'amuse, avec un mec comme toi, on se fait chier. Voilà. Ok. Gérard, je peux répondre. Super. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans les chiottes de la loco? C'est clair. Manu, s'il te plaît. Bon, alors moi, je vais répondre. Des chiottes de la loco dehors. Bonne nuit à lui. Tant pis pour lui. Michel, s'il est encore là. Oui, bonsoir. Bon, je voudrais dire que les filles ont beaucoup d'humour parce que moi, mon ex-copine m'a fait le coup il y a deux semaines. Je crois que t'es elle décédée. Elle s'appelle Véronique, elle a 33 ans. Mais c'était les noms, on n'a pas besoin des noms, s'il te plaît. Sans abuser, elle m'a dit, bon, Michel, je reviens dans un quart d'heure, elle est jamais revenue. Hein. Donc, ça, c'est de l'humour. Carole. Gérard. Carole. Ouais, donc moi je disais que c'est vrai que les mecs ont plus d'humour de, que des nanas parce que déjà dans les artistes, il y a plus de mecs comme Ellie Kaku, Elie Semoun. Gérard, on accueille Claude. Salut Claude. Et toi Gérard? Salut Claude. Oui, allô Gérard. Oui, bonsoir Gérard. Je voulais simplement te dire que je t'admire beaucoup et que la semaine dernière, quand je t'ai entendu au débat, j'étais vachement ému quand tu nous as dit que tu as été recueilli par la SPA quand tu étais plus. Allez hop, Claude, dégage. Tu vas faire un petit stage au standard, c'est pas le thème du débat. Je vais calmer, je vais Gérard. Alors, Olivia. Oui, Gérard, je voudrais dire un truc. Mm-hmm. Je voudrais dire. Non, mais tu réponds à la question, s'il te plaît. Oui, je réponds. Je trouve que les mecs ont plus d'humour que les filles. Ouais. Mais que les mecs, ils font tout, quand ils veulent faire des blagues aux nanas, c'est toujours des blagues qui sont toujours liées au sexe. Et ça, ça plaît pas aussi. Ça, ça plaît pas, il y a. Gérard, la SPA, c'est comme des pitbulls, ils en veulent plus. Non, allez, bonne nuit. J'arrive. Alors laisse tomber. Olivia. Oui, Gérard. Donc tu viens de répondre, Stéphanie. Oui, donc moi je trouve que les nanas elles ont autant d'humour que les mecs parce que souvent les mecs donnent des blagues mais les nanas les racontent mieux je trouve quand même. C'est vrai. Gérard, est-ce que tu aimes l'humour noir? Attends, je répondrai après. Caroline. Moi je trouve que les filles ont vachement plus d'humour que les mecs parce qu'elles sont vachement plus subtiles et beaucoup plus subtiles. C'est-à-dire? Je vois pas du tout le rapport. Oui, bah non, justement, avec la question, croyez-vous qu'une nana ait plus d'humour que les mecs? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Mmh. Comme t'as pas d'humour, tu peux pas comprendre qu'une fille est beaucoup plus utile qu'un mec quand elle a l'humour. Oh là là, je vais te dire une chose, Caroline, tu vois, tu te trompes. Parce que si j'ai pas d'humour avec une nana, je serais pas en train de vous parler. Oh, voilà. Je pense que j'ai de l'humour avec tout le monde. Si, ouais, mais Gérard, moi je trouve que tu fais plus d'histoires drôles et c'est vraiment dommage. Raconte-nous une histoire, ça, Gérard. T'as raison, Gérard. Bah Gérard, t'as pas une ou deux blagues, allez, là. Allez, Gérard, j'ai oublié le blague. T'as raison. Pour ton amour, attends, Gérard. Vas-y. Improvise. Improvise, ouais, t'es meilleur. Tu peux baisser ton pantalon, on les a vus, tes chaussettes. Bonne nuit. Allez, raconte-nous. Non, Gérard. Tu dégages, tu me dis celui qui vient de dire ça maintenant, pas les chaussettes. Là, c'est le deuxième débat. On parle pas des chaussettes. On ne dit pas d'insultes, on parle pas des chaussettes. Ok, on parle pas des chaussettes de Gérard. Et lui, après, il a pas les trompés. Ah, mais ça, c'est pas bien, il va pas gérer Cyril. Non, entre nous, c'est un peu plus haut, et t'as compris, Cyril? Sinon, tu dégages, Cyril. Tu dégages juste ton arme. Non, quand vous serez décidé que je continue, je continuerai. Parce que j'ai 3 heures, je vais arrêter. Adieu à la splendeur de Rome. C'est très bien, une fois, j'ai fait virer les mecs. Je suis incapable de le refaire. Fais gaffe à toi. Gérard, est-ce que c'est vrai que quand ta fille te voit, elle a toujours l'impression d'être aux os? Bon, Gérard, raconte pas une histoire. Alors, Toto qui va. C'est le pâtissier. C'est le boucher. Toto, c'est... non mais tu peux me les laisser, hein. Tu me gardes les mecs simplement, je garde que les nanas. Ils sont là, ils sont là, genre. Bon, toi tu... c'est moi qui commande. Allez, dehors pour lui. Dehors pour celui qui vient de dire ta gueule. Vas-y, raconte l'histoire. Donc Toto, c'est qui va chez le boucher, qui demande un roast beef de 2,5 kg. Alors le boucher lui demande pourquoi. Donc Toto, il dit, ben, parce qu'on est deux. Alors le boucher lui prépare. Il dit, mais 2,5 kg pour faire tout ça, ça fait beaucoup. Ben, il dit non, parce que moi, j'en mange la moitié et j'en donne la moitié à mon chien. Et après, il y a le boucher, mais il dit, ouais, mais qui c'est qui te reste après? Ben, il dit, j'ai ma chatte quand veut une partie. Donc, il lui donne. Toto, il dit, mais combien de temps qu'il faut que de cuisson? Donc, le boucher lui dit 30 minutes. L'autre, pauvre Toto, il laisse une heure et puis le roast beef, ben, il était imbouffable. Donc, ce qui veut dire que ben, c'est le chien qui a tout bouffé, puis Toto, il a rien bouffé. À part la chatte qui est avec elle. Voilà, terminé. On reprend le thème du débat. Tu peux en faire une autre parce que ça a été vraiment nul. Non, ben, je reprends le thème du débat maintenant. Faut-il avoir... Gérard. Et la fin de l'histoire, alors? Mais à la fin de l'histoire, je viens de te le dire. Non, mais le truc est violent. Faut-il avoir de l'humour Bon, ça tu as déjà posé. Faut-il avoir de l'humour pour faire l'amour? Alors, Caroline, est-ce que tu es toujours là? Oui. Alors, Caroline, faut-il avoir de l'humour pour faire l'amour? Attends, tu permets, je veux savoir si tout le monde est là. Attends, c'est pas toi qui commande. Oh, c'est pas toi qui commande. Ok. Caroline. Oui. Stéphanie. Oui. Olivia. Oui, je suis là. JP. Oui. Toujours pas. Ok, Claude. Ouais, je suis là. Non, il y a Justin à la place de JP. Justin. Oh putain, Manu, c'est quoi? Salut tout le monde, salut Gérard. Salut. Ça va, Justin? Salut, c'est Jean-Claude. Jean-Claude. Ouais. Jean-Claude. Ouais, je suis là. Carole. Ouais, je suis là. Bon, allez hop. Hey. Fais, tu te réveilles, bien, Gérard! Tu es là! Mais tout va bien, là? Non, tu déconnes! Mais non, Gérard, on est là, hein! Alors. Gérard, c'est Claude. Merde, toi, pour l'instant, je sais pas parler. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? J'ai envie de fermer sur ta bouche. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. C'est terminé. Mais fais gaffe, parce que tout à l'heure, ça va être Justin avec. Si. Par contre, tu peux le dire, hein, c'est à Justin, Gérard. Non, non, mais de toute manière, subir. Tu le canot, c'est lui. Sinon, il va subir. Déjà, il balance la purée. Il va subir aussi. Ça va aller vite, hein. Ah, c'est dégueulasse. Oh. T'as dit tout de suite? Vas-y, Gérard, reprends. Tout de suite, reprends. Attends, t'es basé, Gérard. Non, mais c'est une semaine, mais je te mets plus jeudi. Pas, t'as de l'humour. Caroline. Oui. Faut-il avoir de l'humour pour faire l'amour? Avec toi, ouais. Oui. Oh, celui qui exacte, je regarde, tu la fermes. Gérard, c'est chiant, tu nous coupes, là, c'est chiant. Ouais, c'est vrai. Caroline. Oui. Eh bien, oui, il faut avoir de l'humour quand on fait l'amour. Hein. Parce que bon, des fois, les mecs, ils prennent tellement mal que bon, tout en rire, quoi, tu vois. Voilà. Okay, c'est au niveau des positions. Exactement, oui. Mm-hmm. C'est oui. Check-out, ils n'en peuvent plus. Oui. Comment ça va, chérie? C'est Stéphanie, là. Hein? C'est Stéphanie, ouais. Oui. Ouais, donc au niveau des positions, il faut avoir de l'humour. Parce que des fois, les mecs, ils les en sortent, c'était pas mal quand même. Hein. Tu m'étonnes. Mais bon, c'est sympa. Si on est d'accord, je crois que tout le monde a de l'humour. D'accord. Olivia? Eh bien, moi, mon cher Gérard, je pense qu'il faut avoir de l'humour. C'est-à-dire? Ah ben, il faut, je veux dire. Déjà pour les préliminaires, il faut que la nana rie hein, avant de passer à quoi que ce soit. Il faut se reculer pour en avoir. Hein. Bon, lui, tu vois, Manu, s'il te plaît, tu me calmes. Toi, tu lui mets un double son. Oui, mais seulement, il n'y a plus de mec à l'antenne, Gérard, là. Ouais, mais tu lui dis qu'il reste quand même poli, s'il te plaît. Ben oui, mais je ne sais pas qui le dire. Ouais, mais il n'y a qu'un mec, c'est Justin. Donc, mais non, ils sont tous partis, je les ai tous enlevés. C'est bizarre, il y a un mec qui vient de traiter d'enculé. Bien, mec, hein. Par hasard. Comme par hasard, il y a un mec qui dit enculé. T'entends rien. Non, je t'entends rien. Vous avez raison, le mec. J'ai entendu, mais il y a que des filles. Gérard, reprends le débat calmement. Peut-être que si. Carole. Oui, donc moi je dis qu'on peut pas avoir du monde quand on fait l'amour. Hein, parce que moi, quand on me fait l'amour, je peux pas rigoler, quoi. Ça coûte tout. Mais l'humour, c'est pas forcément rigoler, Carole. D'accord. Manière, on n'a pas d'intérêt quand on fait de l'humour. Non, mais pas avoir de l'humour et être ouverte, c'est pas forcément rigoler. Mais je suis ouverte quand je garde tes guitares. Mm-hmm. Ah, c'est ça pour toi, faire l'amour? Ouais. Regarde, Gérard en slip, c'est de l'humour. Ah ben, c'est jaune, oui, hein. Attends, pour l'instant, tu m'as jamais vu en slip. Qui est moi? Non, le slip jaune, c'était un débat il y a deux semaines. Ton slip jaune, pas ton slip jaune, mais j'ai vu ton slip à travers ton pantalon. Quand? Bah, à la loco, hein. Voilà, moi, j'arrête. Mais non, non. Mais écoute, merde! T'es gourmand ou quoi? Tu me fais chier, là? J'ai rien fait. Ça commence à bien faire. Je suis contre que le standard est. Comme Max, c'est dans le noir. Merci, Gérard. Mon petit chou, ma petite pupus, continue ton débat. Arrête, après, il y a un débat et on met un disque. Alors, quatrième question, on m'a dit, vas-y. Alors, pensez-vous qu'il faut avoir de l'amour pour embrasser une fille? Voilà, et on met un disque. De l'amour ou de l'amour ou de l'humour? L'humour. Pour embrasser une fille? Tu veux ma main dans ta gueule ou quoi? Qui c'est qui parle comme ça? Sans déconner, s'il faut avoir de l'humour pour embrasser une fille. Qui c'est qui vient de dire ça? Je veux pas de l'humour, s'il faut avoir de l'humour. Qui c'est qui vient de dire ça? Écoute-moi, lieu de gueuler comme un mot, là. Faut avoir du désir pour l'embrasser, faut avoir de l'humour. C'est quoi de l'humour? Attends, c'est nous qui devons avoir de l'humour quand on t'embrasse. Hein. Dis donc, qui c'est qui vient de dire ça là? Donne ton nom là. Que je te prenne en antenne, je vais régler ça avec toi. Hein, Stéphanie, non? Oh! Je crois qu'ils ont raccroché. C'est qui? Manu, ils ont raccroché. Bon, alors, on va mettre. Un... Non, mais là, je sais pas, y a plus personne, donc allô, on arrête. Ah, ça marche. Allô? Tu sais qui vient de dire cette question, bidon? C'est qui, là, l'appareil? Pour l'instant, c'est toujours moi. C'est qui, toi? Gérard. Ah, d'accord. Bon, non, c'est qui, là? On sait pas. Bon, allez, on met un disque. Mets un disque. Le disque, c'est quoi? Ben, j'en sais rien, j'ai rien, il m'a rien donné, fil d'art. D'accord. Donc, la question, je vous la répète. Mm-hmm. Pensez-vous qu'il faut avoir de l'amour pour embrasser une fille? Alors, celle qui a été... Non, mais t'as pas d'humour, là. Ça, c'est bien de dire. Tu nous prends pour quoi? Pour du bétail? Non, mais attends, qui c'est qui vient de dire ça? Non, mais attends, donnez vos noms. Donnez vos noms, je vous... C'est vraiment lamentable. Ouais, bah d'accord, bah, je viens de te reconnaître, Stéphanie, je te prends en antenne. On met un disque. Le disque, c'est la grosse Christine. Bonjour. Allez, hop. Toujours à l'heure, Gérard. Toujours en retard, si je veux dire. Ouais, comme... Bon, donc on a... Le débat sur les différents âges, c'est ça? Non, c'est pas le débat sur les différents âges, d'accord? C'est le débat sur l'humour, donc bah, le disque, je sais pas, La grosse Christine. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi, Olivier. Qu'on continue comme ça, cette heure, tu vois, ça va être vite fait le débat. Il est 3h05, je crois qu'à 3h30, ça va être terminé, hein. Continuez comme ça, et à 3h30, j'arrête. Au lieu de 4h, hein. D'accord. Parce que pour l'instant, les trois premières questions, ça a merdé, il y avait n'importe quoi. T'as chier, tu commandais pas. Donc, on recueille Caroline, bonsoir. Caroline, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Lolita. Bonsoir. Qui remplace Stéphanie. Salut. Olivia. Bonsoir Gérard. Rebonsoir. Tristan. Salut Gérard. Salut. Alfred. Alfred. Pardon. Oh, tu travailles? Oui, c'est moi Alfred. Ouais, quand elle dit bonsoir, tu réponds. Ouais, bonsoir. J'aimerais savoir si c'était de l'humour quand tu... Parce que t'avais pris l'habitude d'uriner sur tes meufs et j'aimerais savoir si c'est pour ça que Carole et Christine t'ont quitté. Hop. Bonne nuit Alfred. Ça y est. Voilà. Ça commence déjà. La quatrième est même pas terminée. Mais on te voit plus, Gérard, là, à l'écran. Ah ouais, ben, je sais pas, il y a eu un problème. Mal, non, c'est plus vois. Intime. Il y a eu un petit problème dans les studios, ouais. Donc c'est pas grave. Ah, mais c'est pas grave, moi on le voit, mais on se porte. Ouais. Bon, si t'es pas content, Tristan, tu vas faire comme Alfred. Moi on le voit, moi on le voit. Ok. Et pour finir, on accueille Carole. Ah, Carole. Bonsoir, mon chocolat. Oui. Carole. Pourquoi tu me passes toujours en dernier? Ben. C'est meilleur pour la fin? Ben non, c'est pas... moi, je prends par ordre qu'on m'a donné, hein. Ah, d'accord. Comme t'es sur la sixième ligne, c'est pas de ma faute à moi, hein. Ah, ok. Donc, voilà. Donc, c'est meilleur pour la fin. Donc, voilà, ben, les meilleurs pour la fin. Ouais, et... enfin. Oh, merde, j'ai pas enregistré. Ouais, voilà. Ben, tant pis pour toi, ma chérie, hein. T'avais qu'à... T'avais qu'à mettre les cassettes, hein. C'est comme les trois autres qui sont toujours là, hein. C'est pareil si vous mettez... Ah, j'enregistre, moi. Si vous mettez pas les cassettes... Ouais, bon, trêve de blabla, à coup sûr, ta prochaine question, s'il te plaît. Si t'es pas content, Tristan, tu vas dégager, je fais ce que je veux, d'accord? Ah, non, mais dépêche-toi un petit peu, s'il te plaît. Non, mais si t'es pas content, moi, je joue jusqu'à 4h. Si, je suis content, mais... Si ça te plaît pas, tu dégages. Mais ça me plaît, mais... Ok. Allez, accouche. J'accoucherai si je veux, tu vois. Elle peut pas accoucher, c'est un homme. Pour l'instant, si j'ai envie de jacter et puis je vais pas poser ma quatrième question, bon, c'est, okay, vas-y, c'est mon problème, question. C'est pas le tien, d'accord? Ouais, non, je peux répondre à la question, je pose ta question. Je peux répondre? Pensez-vous qu'il faut avoir de l'humour pour embrasser une fille? Alors on va poser la question, tu poses la question, on accueille Gustave. À la place d'Alfred. Salut Gustave. Salut Guste. Bonsoir à tous. Salut Gustave. Salut Gugus. Bon, alors Gustave. Tu peux répondre, Gérard? Gustave! Oui, je suis là, oui. Donc, tu réponds à la question, s'il te plaît? Oui, alors, moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire? Ok. C'est-à-dire que l'humour, il faut vraiment avoir de l'humour, quoi. Mais je trouve que ton patron, il n'avait pas d'humour quand il t'a viré parce que tu voulais te défoncer la boîte à caca en plus. Bonne nuit, Gustave! Bonne nuit, Gustave! Aucun humour, Gérard. Voilà! Gérard, je peux t'expliquer un truc, Gérard. C'est vraiment rien à faire ici. On accueille Pierrot. À la place? À la place de personne, c'est un belge. Salut Pierrot. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Gérard, je peux t'expliquer un truc. Tu peux mettre une blague comme tu fais sur l'humour? Je voudrais qu'on atterrisse, qu'on réponde aux questions que balancer des blagues pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la blague? Vas-y, dépêche-toi. Accouche. J'y vais. Voilà, c'est l'histoire de homosexuels qui s'apprêtent à faire l'amour. Et il y en a un donc qui va commencer à prendre son copain. Et à ce moment-là, son copain lui dit, dis donc, je serais pas en train de m'enculer par hasard. Ouais, c'est bien. Tristan. Ouais, je pense qu'il faut avoir énormément d'humour pour embrasser une fille. Mmh. La preuve que t'as du mal à en embrasser. D'accord, alors je vais dire. Répondre, une... C'est qui? Olivia. Ah, Olivia, je t'écoute. Oui, mon petit chou. Alors, moi, je voudrais répondre. Je voudrais qu'il faut vachement... Et reste poli parce que tout à l'heure, je sens que ça va virer. Je sens qu'il y a des nanas qui vont virer. Ça va, ça va ouais, faire faut mal. Faut qu'elle reste poli un peu les poufs, là. Ouais, toi, t'es déjà tu restes poli avec eux. Mais pour qui, toi? La non, vie, non. Donc, Olivia, tu voulais répondre. Oui, ben moi, je dis qu'il faut avoir vachement d'humour, hein, parce que ça dépend la fille, donc il faut que ça puisse stresser tout ça, quoi. Mm-hmm. Il faut de l'humour pour pouvoir embrasser, voilà. D'accord. Lolita. Bah, moi, je trouve pas. Je trouve qu'en faisant l'amour, c'est sympa d'avoir de l'humour, mais pour embrasser, non, faut quand même rester sérieux, il y a un minimum. C'est vrai. Mm-hmm. Vas-y. Caroline. D'accord avec... Argumente. Caroline. Bon, Tristan, tu te calmes, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu vas dégager. Désolé, c'est bon, arrête d'être comme ça. Ouais, ben, moi, je te dis, tu vas te calmer, parce que tout à l'heure, tu vas dégager. Qu'est-ce qu'on fait, bordel? On peut rien faire dans tes... Bon, Gérard, vous racontez l'histoire, Gérard? Non, il a un sabre à dents. Il a rien fait, il a toussé. Il a pas besoin de m'imiter, d'accord? Mais t'as pas eu le temps de répondre derrière moi. Bon, Max, il a calme, s'il te plaît, lui, là. J'essaie de faire un peu. Bon, allez. Hop là. Bah, allez, reviens en débat, là, Gérard. Hop. Bon, Gérard, c'est Carole. Caroline, s'il te plaît, tu réponds à la question. Oui, j'ai dit que j'étais d'accord avec Olivia. Carole. Ouais, moi, si t'arrives à me raconter une histoire drôle, tu pourras m'embrasser, mais sur la joue d'abord. Ah ben, ouais, j'étais déjà embrassé plusieurs fois sur la joue, ouais, bon, ça sera sur la bouche alors. Ouais, ben, on verra ça quand je te verrai à la loco. Ah non, il faut que tu me racontes une histoire drôle, sinon moi je t'emballe pas. Hein. Ouais, ben, on verra. Bah non, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ouais, ben, t'es pas pressé. C'est pas drôle. Est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce qu'on peut apprendre l'humour à l'école ou au lycée? Une note. En plus, c'est Max qui m'a demandé de poser cette question-là. Donc alors, vous débrouillez avec Max demain. Y a pas de problème avec le son, Gérard. Si, mais faudrait peut-être que tu le calmes, là. Bon, Gérard, non, Gérard, je dis qu'on peut apprendre à l'école ou au lycée, mais pas dans les classes, plutôt à la récré et pendant les pauses. D'accord. Moi, je dirais que l'humour vient tout seul, quoi, naturellement. C'est l'humour, c'est inné, hein, c'est ça qui est. Moi, ça me prend envie de Gérard est drôle, mais qu'il n'a jamais été au lycée. Bah ouais. Bah si, je suis en femme 2. Voilà, très bien répondu pour celle qui vient de prendre ma défense. C'est ça, ça moussait tout de suite le Lascar qui a voulu en savoir trop. J'avais quand même 17 ans. C'est en face de toi, Lascar. 17 ans, CM2, faut le faire. Voilà. Donc, Carole, tu viens de répondre. Ouais. Alors, Olivia. Ah non, j'ai pas répondu, moi. Carole, t'as pas répondu. Oui. Bon, bah, Carole, alors. Moi, je dis que l'humour, c'est un don que Dieu nous a donné. Tu peux répondre? C'est qui? Olivia. Oui, mais attends, Olivia, laisse finir Carole pour l'instant. Ah, j'avais fini, moi, Carole. Hein? J'avais fini, Gérard. Bon, alors, Olivia. Yeah. Oui, mon petit chou à la crème. Alors, dépêche-toi. Bon, dépêche-toi, Olivia, s'il te plaît. Accouche. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir de l'humour. Hein. Mmh. Donc, je crois qu'on en a une preuve vivante, hein, donc. Ah, non, justement. Oh, les bases, je les prends bien, les poches. Lolita. Justement. Ouais. Lolita. Oui, je disais. Lolita, s'il te plaît. Oui, je disais que les bases de l'humour, tu les apprends quand même sur les bancs d'école avec tes potes, les premières blagues, les premières conneries. Et... Mmh. C'est super sympa, c'est des bons souvenirs. Hein. Gérard, où est-ce que t'as appris tes histoires? C'est qui pose cette question? Télé-Z. Non, c'est pas dans Télé-Z, d'accord? C'est dans où? Dans Spirou Magazine, hein. Voilà. Dans Spirale? Spirou Magazine, Caroline, s'il te plaît. Gérard? On accueille Esteban. Bonsoir Esteban. Hola Esteban. Hola Esteban. Hola Esteban. Bonsoir les filles, bonsoir ma couille. Non mais attends, Esteban à la place de qui? Je vais te dire ça tout de suite, à la place de Gustave. Hola Esteban. C'est bizarre. Muy bien. Et toi? Gustave, Ouais, moi je pense que c'est... je pense que ça s'apprend pas. Et ça prend sur le tas, quoi. Disons, moi, à l'époque, 76, j'ai pensé la... Oh là là, attends, Gérard, Pierrotet, Dieu donné. Bon, allez, hop. Ça s'apprend sur le tas. Bon. Simplement. Et surtout, t'en sortir des blagues en voiture, voilà, tout simplement. T'arrêtes tes conneries, toi, là-bas. Gérard, c'est Stéphane, j'ai pas compris la blague avec le rose beef. Non, non, mais si t'as pas compris, mon pote, les oreilles, c'est comme le cul, ça se tombe. Bah, je l'ai pas compris. Ta gueule, tiens, prends-en dans ta gueule. Connard, c'est lui, là. Bon, alors, connard, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Allez hop, le connard, tu vois, il te renvoie au standard. Gérard ? Ouais. Ouais, c'est Tristan, là, pareil. Ouais, bah, réveille-toi. Ouais, désolé. Réveille-toi. Ouais, c'est bon, je suis réveillé. Ouais, bon. Tu peux répéter des questions, s'il te plaît. Bah, allez, bonne nuit au standard pour mais toi aussi. Non, non, non, non, allez hop, bonne nuit au standard. Gérard, j'ai un problème auditif. Non, non, non, je m'en fous. Hop, au standard. Non, non, mais c'est là. Dehors. Au standard. Est-ce que... Gérard, c'est un malentendant. Tu pourrais être gentil avec lui. Non, non, mais même, c'est un malentendant. Attends, tu permets. Non, c'est un bon entendeur. Hein. Ouais, bon, bah... Alors, salut. Voilà. Alors, salut. Alors, est-ce que... on dit ta gueule, va te faire foutre ou enculer, c'est de l'humour. Ouais. Ça... Elles sont bidons, tes questions, Gérard, elles sont bidons, bidons, ouais. Eh ben, je vais dire une chose, Gérard, c'est que là, vous demandez au chef, au star system, okay. C'est lui qui bien est... Bien sûr, on va se Gérard, prendre, pourquoi bien c'est sûr. Du monde, c'est du monde, tout ça. Mets pas tout ça sur le taux de max. Hein. Gérard, ouais, bah, dans que ce tu penses, c'est du monde. Oh non, non, oh, non, non, non, non, non, non, non, non, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit à tous. Non, Gérard, reviens. Allô? Gérard. Gérard. Gérard, reviens. Gérard, reprends l'antenne. Gérard, c'est l'auditeur, reprends l'antenne. Celle qui vient de me dire, fais pas ta pute, dans ces cas-là, tu dégages au téléphone. Fais pas d'améliorer. Oh, Gérard, je peux te poser une question? Allez hop, allez hop. Gérard, je peux te poser une question? Jeune gazelle. C'est Lolita, t'as beaucoup d'humour, alors c'est pas grave. C'est pas grave. On peut revenir au débat, s'il vous plaît. Ah. Gérard? Oui. Gérard, je peux te poser une question? Vas-y, dis. Est-ce que pour toi, tous les mots que tu viens de dire, c'est de l'humour? Ben, si les gens restent polis avec moi. Non, mais est-ce que les mots que tu as cités, c'est de l'humour pour toi? Ça dépend dans quel contexte? Voilà. C'est pas dire. Oui. Ça dépend dans quel contexte? Si c'est dit méchamment ou si c'est dit pour rigoler? Donc, non, mais si c'est de la vulgarité, tout ça. Tu peux répondre, Caroline. Oui. Bah, moi, mon meilleur ami, je l'appelle connard. C'est pas une blague. Et dans ma bouche, c'est de l'humour. Oui. Et moi, ma copine, je l'appelle salope. Dans la bouche, c'est pas vulgarité. Encore pire. Bah, c'est de l'humour, hein, Gérard. Moi, bon, Ouais, j'appelle ma mère, fille de pute. Bon, allez hop, bon, allez hop. Oh, le sondage, là, s'il te plaît. Mais ça y est, Gérard, ne fais pas. Non, non, mais tu vas te calmer un petit peu, là. Hein. Un petit peu, là. Hein. Okay. Attends, il a le droit d'appeler sa mère, fille de pute. Bah oui. Bah non, c'est bon, j'arrête. Non, Gérard, j'arrête, terminé. Le deuxième débat se passe pas comme je veux, donc... C'est Gérard, t'aimes bien te faire supplier, apparemment. Non, arrêtez. Max a dû revenir, là. C'est... Bon, on va arrêter le débat, parce que Gérard a souhaité que le débat s'arrête. Ah non, Gérard, non. Non, non, parce que là, pour l'instant, vous êtes en train de jouer au con, il y a des points de voix. Vous voulez pas écouter les questions. Mais Gérard, on écoute, on répond tout à l'heure. Attends, c'est les mecs qui t'exagèrent. Non, non, mais pour l'instant, je vais poser la septième question. Mm-hmm. Regarde, Olivier, parce que tout à l'heure, ça va être vite fait et bien fait, là. J'ai arrêté. Alors, arrête. Bon, alors, là, de la question d'après. Bon, bah alors là, apparemment, Gérard est parti, donc... Pensez-vous... Reviens au débat, nous, on veut répondre. Bon, alors, on le fait, ce débat, là, Gérard, il est 3h, il y a encore plein d'audience, il y a encore 2 millions de gens. Ouais. Gérard, on n'entend rien, allume ton micro, on n'entend rien. Il y a 2 millions de personnes qui regardent. Ouais, bah, regardent encore. Là, ça se calme. L'autre, là-bas, il se réveille, parce que pour l'instant, ça dort à moitié de tous les côtés. Oui. Attends, Manu, je vais t'éclairer. Mais hein? Éclaire-moi, parce que je vois plus le standard. Bah oui, mais quand même, merde, réveille-toi, quoi. J'essaie, mais... Alors, septième question, et tu es... Merci pour le double son. Comment, mais qui a mis le double son? Manu. Comment voulez-vous que je mette le double son? Le double appel, oui, mais le double son, non. Septième question, croyez-vous qu'il faut avoir de l'humour pour regarder une fille nue ou un mec? Et on met un disque et vous réfléchissez. Comme ça, ça permettra à tout le monde de se calmer un peu là. Là. Pardon ? Gérard, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on met là ? Je sais pas, je vais voir. Bon, bah alors. Meuble, Gérard, meuble, je cherche un disque. Ah non, mais. Raconte-nous une histoire, Gérard. Non. Allez, une histoire. Non, je vous ai dit. Est-ce que tu me souviens pour un bisou, Gérard ? Non. Avec du rhum steak. Bon, alors, raconte-nous une histoire. Vas-y, raconte. Bon, alors. Vas-y, en attendant qu'on trouve un disque. Vas-y. Bon, bah alors, c'est deux quéquettes qui se promènent. Mmh. Et t'en as une qui dit à l'autre, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Et t'as l'autre qui répond, bah, ça te dirait un ciné ? Ah, ouais, je connais. Ouais. Et là-dessus, t'as l'autre qui répond, ouais, bah alors pas un film de cul parce que j'ai pas envie de rester debout pendant toute la séance. Ouais, d'accord. Bon, on va mettre le disque. On va mettre le disque. Non, attends, c'est pas toi qui commande, toi, le latière, d'accord ? Ah, mais t'es pas marrant, Gérard, raconte une histoire, s'il te plaît. Non, pas maintenant. Bah, t'as rien, je vais en raconter une, moi. Moi, bah, si j'aurai rien du tout, Carole, je vais te dire une chose que tout à l'heure, si tu veux jouer au chantage, tu vas dégager. Histoire, non, mais si tu veux jouer au chantage avec moi, tu vas dégager. Ouais, bien sûr, au téléphone c'est facile. Ouais, bah. J'ai une blague, Gérard. Moi j'ai une histoire à raconter, je peux le faire. Qui ? Vas-y. C'est Caroline. Ouais, Caroline. C'est deux cons, ils sont dans une voiture, arrêtés à un feu. Il y en a un, il fait c'est vert, puis l'autre il fait, je sais pas, une grenouille. Mmh. Pas mal. Bon, ils ont trouvé le disque là. Ouais. Voilà, c'est parti. Bon, Gérard, tu fais une étude à la bourre. Non, mais tu gueules, mais t'es quand même vachement à la bourre, puisque tu finis quand même depuis 10 secondes. En plus, tu retires, s'il te plaît. Voilà. Et tu reprends ton débat. C'est quoi la question ? Tu sais même pas, parce que c'est... Non, je sais même pas, toi, dans ce cas-là. Non, pas tous les vendredis, quoi. Et puis, il y a des sujets aussi. Quand j'ai des places, moi, j'y vais. Soyez bon, tu... Bon, qu'est-ce que... Je vais demander à ce que ça se calme, parce que tout à l'heure, je vais arrêter tout de suite. Gérard, je t'entends pas, Gérard. Avant ta première question, on accueille Jean Tub. Dans la place, à la place de personne, il appelle de Belgique. Est-ce qu'on peut t'appeler Tub ? Salut, Jean Tub, tu peux m'appeler Tub, effectivement. Bonsoir, Jean Tub. J'avais l'impression que ça va encore faire comme la semaine dernière, celui-là. C'est pas un cousin de gland ? Bonsoir. C'est pas que Jean Tub. Ouais, non, mais je crois que ça va faire comme la semaine dernière. Je crois que un trois ans et demi, j'ai... Croyez que j'ai pas à avoir de l'humour. Je tenais à dire d'abord que... Pour l'instant, tu la fermes ? Tu me laisses poser la question. Ouais, je crois qu'on va bien s'amuser. Mais Gérard, ouais, si ça te plaît pas, tu peux raccrocher. Non, mais ça me plaît, j'aime beaucoup ton humour, donc... D'accord. Si ça te plaît pas, pour l'instant, si ça te plaît pas que je pose la question, tu raccroches. Ok. Et celui qui parle derrière, c'est pareil. Bah, top, t'es un habituel. Bon, maintenant, tu la fermes déjà, d'accord. Gérard, pose ta question. Croyez-vous qu'il faut avoir de l'humour pour regarder une fille nue ou un mec? Vas-y, l'abruti qui se bat comme une chèvre. Vas-y. Mais c'est bon, Laurent. Laissez parler la chèvre. Non, je m'appelle pas la chèvre, espèce d'abruti, je m'appelle Tob. Ah bah non, l'abruti t'emmerde, tu dégages pas de nuit. Salut, Tob. Je vais répondre à la question. Bon, excuse-moi. Non, mais c'est bon. Ça marche pas. Bon, effectivement, alors une fille nue. Bon, j'ai eu la chance en ayant Fun TV là tout à l'heure, en regardant, j'ai vu les photos de la grosse Christine quand tu es enculé. Allez hop, bonne nuit pour lui. Bonne nuit, Tom. Bonne nuit. Carole. Oui, alors, ouais, effectivement, faut avoir du mot pour regarder quelqu'un à poil, quoi. Mm-hmm. Ça dépend comment elle est foutue. Enfin, c'est pas grave, du moment qu'elle a un trou, c'est bon. Olivia. En fait, c'est horrible. Oui, Gérard, mon petit chou. Mm-hmm. Moi, je crois qu'il faut avoir vraiment de l'humour. Hein. Faut vraiment. Ça dépend si c'est un nana. Non, attends, Olivia. Oui, attends, Gérard. 5 minutes. C'est pas la peine de lui dire de se calmer. Je t'ai dit qu'il dégageait ce Tom. Je suis calmé. Non, excusez, il a failli pleurer. Non, j'en ai rien à foutre. Les mecs qui s'amusent à faire du chantage au standard, ouais, je me suicidais parce que je marche pas. Ça, je marche pas. Olivia. Oui, mon petit chaud. Donc tu disais, Olivia. Et oui, moi je disais que qu'il faut avoir vachement de l'humour pour vraiment voir un mec nu. Pour rire, hein. D'accord. Lolita, oui. Moi je trouve pas qu'il faut de l'amour pour regarder quelqu'un de nu. À moins vraiment qu'il soit mal gaulé, parce que sinon, c'est l'humour à la base. Gérard, tu te marres à bon goût. Hein. Quoi ? Non. Ça fait deux fois. Pas grave, terminé. Gérard, c'est pas grave. Les insultes comme ça, c'est pas grave. Désolé, Gérard, à poil, je rigolerai pas et il me faut pas d'humour. Alors, moi j'ai vu les Fantman, ça m'a pas fait rire une seconde. Les Fantman, tu les gardes. Gérard, c'est Olivia. Je vais dire, est-ce qu'on peut écouter ce que Jean-Paul a à dire ? Alors, non, pour l'instant, il est reparti au standard. Non, Jean-Teub est là. Ah, ben, il se rend pas les couilles. Allô. Oui, c'est Jean-Teub, là, pareil. Oui, c'est Jean-Teub. Cool, un peu, Jean-Teub. Alors, bon, d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir, Jean-Teub. Bonsoir, Teub. T'en as une grosse? Non, mais c'est bon, les filles. Pour l'instant, on va le laisser répondre à la question parce que c'est... Voilà. Il va virer bientôt. D'accord. Alors, d'abord, bon, petit... si on peut se permettre de faire un petit peu d'humour concernant le débat sur les célibataires. Non, mais alors, dans ce cas-là, mon pote, on n'est pas sur les célibataires, on est sur l'humour. C'est pas drôle. Donc, tu travailles. Débat sur l'humour. Alors, la question, c'est... est-ce que c'est joli avoir une fille, c'est ça? Ou un mec. Ou un mec. Alors, bon... d'abord, pour commencer, d'abord, je voulais dire que par rapport à la question, donc le fait de savoir si une fille nue ou un garçon nu, savoir si c'est drôle ou pas, c'est une question qui m'est posée, donc... Non, mais tu travailles, s'il te plaît, attention. C'est de la métaphysique, hein. Non, mais tu travailles. Donc, la question... Tu travailles, s'il te plaît, parce que je vais pas coucher avec toi, là, avec ta question de merde. D'accord. T'arrêtes de faire de l'arsène. Non, c'est pas moi qui fais du l'arsène. La question qui est, je vous le rappelle, qui m'a été posée... Allez, s'il te plaît. Manu, s'il te plaît. Manu. Oui, Gérard. Bon, tu me le prends, là, tu lui demandes si ça va être pour répondre. Gérard, la petite. Ouais, bah alors, vas-y. Allô, Gégé. Oh. Gérard, moi, je peux répondre. Vas-y. C'est Caroline. Ouais, Caroline. Alors, c'est vrai que t'as trouvé à Christine sur le pont d'Allemagne. Allez, bonne nuit pour celui-là. Déjà fait. Allez, hop, bonne nuit. Ok. C'est Lolita, je peux répondre? Non, Caroline, pour l'instant. Lolita, s'il te plaît, t'attends. Moi, mec à poil, ça me fait pas rire, ça me fait mouiller. D'accord. Et pourquoi? Ça me fait excitant. Non, n'importe quoi. Attends, si t'es pas content, toi, tu dégages. Mais je suis content. Mais cocu, mais content. Ah bah dis donc, t'as ton bras sur tête. Eh Gérard, une question. Gérard. Oui. Gérard, je peux te dire un truc, Olivia. Oui, Olivia. Je vais te donner... Je peux te dire un truc, c'est Tob à l'appareil. Ta gueule, toi, Tob. Ça va comme par hasard. Tu vois, les filles qui ont plus... Gérard. Ah, t'es Olivia. Oh, la vie, Olivia, vas-y, Gérard. Oh, le Larsen, s'il vous plaît. Vas-y, Olivia. Oui, je voulais te dire Gérard, premièrement, si t'avais un peu plus d'humour, c'est-à-dire si t'étais un peu plus relax, t'adorerons Gérard. Je sais que c'est un peu refusé, mais... Attends, excuse-moi de dire si t'avais un peu plus d'humour, c'est si t'en avais, parce qu'il en a même pas un embryon. Hein. Exactement. Alors, je vais dire une chose. Voilà, écoutez l'humour, il gueule. Voilà, ça c'est l'humour de Gérard. Non, Gérard, si tu te relaxes... On fait un débat sur l'humour, il a fait que de gueuler, jamais une truc drôle, même pas un sourire, même pas un rire. Quand on lui... Gérard, nous les filles, on adore rire, donc raconte-toi une blague. Ouais, mais quand on lui demande de raconter une blague, il raconte des histoires de steak, de roast beef. Gérard, est-ce que tu veux nous raconter une blague? On veut rire. Moi, maintenant, je demande à être payé pour lancer des choses rigolotes. Non, mais là, il y a un petit problème. Là, il y en a un qui s'amuse avec un téléphone et j'aime pas ça. D'accord, Olivier? Yeah. Oui. Ok, bah, Gérard, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, l'humour? Bon, moi, j'ai une petite blague. Vas-y. Mais oui, c'est ça que je veux dire, sinon, il serait pas là. Alors, bon, moi, je vais répondre. Vas-y, Jean-Teub. Dis-le. Alors, c'est tout. Pour l'instant, je réponds, s'il vous plaît, aux questions. C'est une histoire drôle, hein, comme je vais dire. Pour l'instant, je réponds à la question, tu l'as fait. Je vais raconter une histoire, vas-y, Tub. Madame, je vous en prie, voilà, je voudrais avoir des trucs pour mettre sur la caquette et des très timides. Bien sûr, et là, c'est fini. Alors, il retourne à la pharmacie. Excusez-moi de vous déranger, mais je vous en prie. Alors, est-ce qu'il serait possible de revoir, s'il vous plaît, des pour la caquette? C'est pour toi qui me commande, d'accord? Mais revoir, bien sûr. Alors, il retourne, elle lui dit, voilà, prenez ça. Il arrive à la maison et il s'aperçoit qu'au bout de sa queue, c'est encore une brosse à dents. Allez, hop, allez, c'est tard, excusez-moi, j'étais toujours toto. Est-ce qu'il existe des choses possibles d'avoir une, vous savez, des trucs pour mettre sous la caquette. Bien sûr, monsieur, un cochon, un gros retourne chez lui, il se met tout nu, il tient sa queue, il abrache ma. Il s'aperçoit qu'au bout, au lieu de mettre à avoir un préservatif comme il demande, parce qu'il est très timide, il a du dentifrice. Excusez-moi de vous déranger. Non, mais je suis pour la quéquette, je voudrais voir une des prestations. Bonne nuit. Non, arrêtez, là, allez-y, on passe le fil. Il arrive, il rentre chez lui, il se met à poil, il a vraiment la gaule, prêt à tirer son coup, et à ce moment-là, il regarde dans le sac de ce qu'il y a dans la pharmacie, et là, vous savez ce qu'il y a ? Non. Des préservatifs. Gérard, pose ta question s'il te plaît. Gérard, nous on voulait rire, hein. C'est pour ça qu'on a écouté la blague. Gérard, la conclusion. Non, mais elle est pas drôle. Mais non, Gérard. Conclusion. Gérard. Les amis, ce que Gérard. C'est. Conclusion, moi j'arrête. Allez, souris, alors. Gérard. Regarde, nous on fait un débat sur l'humour, on voudrait que tu nous fasses un peu rire, raconte-nous des blagues. On adore que les mecs nous fassent rire. Nous, tu ne racontes pas de blagues. Tu gueules, nous on va pas t'aimer. On veut rire, Gérard. Gérard, une histoire, s'il te plaît. Je n'en ai pas sur moi pour l'instant. Attends, celui qui dit que mon enfant... Bon, allez, hop, celui-là, tu le dégages. Non, Gérard, raconte une blague de Toto, Gérard. Les blagues de Toto. Non, on continue le débat. Je réponds donc à la question numéro 7, parce que... Non, dans ces cas-là, si vous voulez pas répondre... Non, mais si on veut répondre, écoute. Vas-y, Gérard. Donc je vous réponds donc la question donc c'est croyez-vous qu'il faut avoir de l'humour pour voir une fille pour regarder une fille nue ou un mec je vais vous dire une chose que y en a qui ont dit oui et non mais moi je préfère vous dire oui tout de suite. Waouh, t'as dit ça. Je préfère regarder une nana nue. Si elle est bien faite, c'est mieux. Regarder un mec, c'est Christine. Merci pour celui qui vient de dire le mot. Gérard. Gérard, vous répondre. Gérard. 30 secondes avant, on accueille un auditeur, il veut se présenter lui-même. Allô. Bonjour. Salut, GQ. Salut, GQ, est-ce qu'on peut t'appeler Q? Salut, GQ. 8e question. Salut, le petit Q, Gérard. Salut, Q. Est-ce que l'on peut donner de l'humour en héritage? As-tu reçu l'amour en héritage? Est-ce qu'on peut donner l'amour en héritage? C'est pas la peine de Gérard. Alors en héritage, non, on peut c'est pas. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Bon, les garçons d'abord. Caroline. Non, les garçons d'abord. Attends, tu permets, je passe. Attends, tu t'en vas, un coup, tu reviens. Alors les garçons d'abord, allez-y. Bon, alors tu dégages au standard, toi tu vas pas me faire chier longtemps. Bonne nuit à toi. Tu te démerdes de savoir qui c'est. Gérard, est-ce que tu as donné ton humour en héritage? C'est dans les studios de fun qu'on dit. À la loco, dans les chiottes. Qui c'est qui vient de dire ça à l'instant? C'est moi. Non, c'est une nana. Ouais. Oh, Gérard, est-ce que tu as donné. La nana qui vient de dire ça, elle est payée de donner son nom. Viens, je vais te passer un ami. Ta gueule, toi. C'est un mec, a dit. Non, non, c'est pas un mec, c'est une nana. Bah, Gérard, vas-y, réponds, mais t'as des ballons. Est-ce que l'on peut donner de l'humour en héritage? Alors. Est-ce que toi, tu as donné ton humour en héritage? Non, pas encore. Moi, je peux répondre. Oui, qui? Olivia, mon petit chou. Oui, Olivia, je t'écoute. Est-ce que? Gérard, il a tout dit. Gérard, Olivia, je t'écoute. Oui. Bah oui, on peut donner notre humour en héritage. D'accord, mon tour, d'accord, mon tour. Non, tu me dégages cela parce que là, c'est plus possible. Et la fille tout à l'heure qui a dit la loco, il faut la dégager aussi. Non, mais toi, ouais, avec ta parole, tu vas dire la loco. La fille qui a dit la loco, c'est la loco, c'est la loco. La fille qui a dit la loco tout à l'heure. fait dans la pièce où tu rentres. Voilà. Tu rotes à la fin d'un. Exactement. C'est pipi caca, quoi. C'est... Maintenant, mais répondez qu'à Gérard, parce qu'on y répond. C'est à Gérard. Gérard. On s'en fout. Gérard, c'est Lolita, on ne répondra qu'à toi. Gérard, on ne veut que toi. Mais on n'en veut pas, Gérard. Gérard, on te veut toi. C'est sa star, il est star. Gérard. On a pas celui-là. Ou pas. Bon, c'est gentil, là. Et toi, tu fermes ta gueule pour l'instant. Mais Gérard, si tu mettais un casque, tu verrais qu'on ne t'entend pas depuis une minute. Moi, je vais te répondre. Rien, tu l'as viré. C'est très bien, si je reprends et que tu es là, remets le casque. Je vais parler devant un micro. Gérard. Ah, c'est vraiment bien. Hé. Allô? Bon, alors, on t'écoute, Gérard. Donc, je répète ta question. Bonsoir, c'est Gilles Gu. C'est pas vrai, c'est un imitateur, lui. C'est pas lui. C'est trop facile. Non, mais Gérard, c'est pas lui. Ça peut pas être lui. Mais c'est pas lui. Bon, Gérard, arrête de faire ta mauvaise tête. Tu veux bien arrêter, la Gérard. Conclusion. Allez, bordel. Conclusion. Conclusion. Non, non, mais lui là-bas déjà, oui. Quand il te demande de l'enlever, tu l'enlèves. Allez, terminé, on fait conclusion. Conclusion. Mais parlez pas tous en même temps, putain de bordel. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais là-haut. Qu'est-ce qu'on fait? On met un disque et on reprend. Oui, on met un disque et on reprend. Quoi? Oui, oui, oui. On met un disque et on reprend les deux dernières pour finir. C'est quoi les deux dernières questions? Il reste, pensez-vous qu'il faut de l'humour pour coucher la première fois? Et croyez-vous que l'humour existe partout chez les gens? C'est les deux dernières. Alors, l'autre, déjà tu vas lui dire que le mec, il a pas à passer sur tout le monde. Quand je lui demande de le dégager, il le dégage. Je t'ai entendu, toi aussi tu passais sur les gens tout à l'heure. Hein? Non, non, c'est pas moi qui passais sur tout le monde. Et lui, aussi c'est pareil. Et la caméra, oui, c'est pareil. Tout à l'heure, c'était une... Parce que tout à l'heure, je suis amusant avec le téléphone. Si, il y en a ras-le-bol. D'accord? D'accord. J'étais pas là, j'aurais dû être là. J'étais... Alors donc, on met un disque et... Voilà, si on met un disque, non, Phil. Non, bah... Faut terminer là, il faut... Parce qu'avec la vitesse où tu vas, il faut au moins 5 minutes par question, après la conclusion, vas-y, fini là. Eh ben, on fait conclusion, alors. Voilà, non, mais faut faire une question, vas-y, maintenant. Zéro. Alors, pensez-vous qu'il faut avoir de l'humour pour coucher la première fois? Oui. Caroline. Oui, je pense qu'il faut avoir de l'humour, ouais. Parce que bon, t'es déjà mal à l'aise, c'est la première fois, tu sais pas trop comment ça va se passer, donc autant prendre avec de l'humour. Ok. Caroline. Lolita. Oui, bah écoute, moi je suis un peu du même avis que Caroline, parce que t'es déjà tellement stressée, si t'as pas un brin d'humour, je crois que t'es crispée et t'arrives même pas à faire l'amour, alors. Faut que tu sois un petit peu cool, que ton partenaire est fasse rire, et puis c'est cool. D'accord. Olivia. Ben moi, je suis d'accord avec les filles, hein, pour que les muscles se décontractent, il faut de l'humour. Hein. Alors moi, le mec qui a de l'humour, il pourra me sauter, donc Gérard, il faut que tu racontes une histoire avant la conclusion. Non, mais alors là, Carole, je t'ai dit que... Gérard, est-ce que t'as de l'humour, toi? Est-ce que tu trouves que t'as de l'humour, Gérard, toi? Quand j'aurai moins d'abrutis qui m'entourent, on verra. D'accord, il y a beaucoup d'abrutis. Ok, mais là, il n'y a personne. Mais l'humour, ça ne serait pas l'antenne. Calmement, est-ce que tu crois que tu as de l'humour ou pas? Avec les filles, est-ce que ça marche? Ça dépend des nanas, c'est tout. Mais est-ce que ça t'a permis de coucher avec une fille rapidement parce que t'avais de l'humour? Pour la première fois, non. Voilà, pour la finale. Oh, il a payé. Gérard. Oui. Lolita. Oui. Je voudrais faire une déclaration solennelle. Mm-hmm. Je veux dire que toutes les filles, quelles qu'elles soient, tu peux les séduire, il suffit d'avoir de l'humour. Ouais. Alors, c'est là, t'as complètement raison. Qu'elle soit canon ou pas canon, une fille, si t'as de l'humour, si tu la fais rire, elle te tombera. T'es beau, t'es moche, t'es con, t'es pas con, si t'as de l'humour, tu vas toutes nous séduire. Ouais, non, mais attends, t'as vu sa gueule? Bah oui, je la vois, sa gueule, j'ai Fun TV, alors, il est pas mal. Bah ouais. Là, tu dis, celui-là, c'est pas possible. Gérard, est-ce que tu aimes l'humour noir? Désolé. C'est quoi ça? L'humour noir, c'est-à-dire? C'est comme les figures avec Ayrton Senna. L'humour noir, tu veux un exemple? Oui. C'est un exemple, attention. Hein. C'est comme quand on te fait chier, quand on te dit ouais à la loco, toi de la loco et tout ça. C'est ça l'humour noir. Ouais, mais là ça porte atteinte, c'est grave. Donc, croyez-vous que l'humour existe... Pourquoi tu réponds jamais, Gérard? Parce que tu sais pas répondre, peut-être. Pour l'instant, quand vous arrêterez de faire les cons dans les studios, parce que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on est 8 dans les studios, 3, ça fait un peu beaucoup pour un débat. Gérard, 8 mecs contre tout ça. Ouais, ben alors, conclusion. Nanas, hein. Allez, Caroline, conclusion, terminée. Non, bon, on se casse. C'est pas marrant, Gérard. Caroline. Caroline. Caroline, la conclusion. Non, non, c'est terminé maintenant. Non, Gérard, une histoire avant la conclusion, s'il te plaît. Non, non, je fais pas d'histoire ce soir. Mais j'en ferai plus tard. Dans le métro. Non, non, j'en ferai plus tard des histoires. Non, j'en ferai plus tard. J'en ferai la semaine prochaine. Mais non, on est sur le débat de l'humour. Non, non, c'est non, mais j'en ferai la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reprendrai un débat qui se basera là-dessus et je ferai des histoires la semaine prochaine. Mais non. Donc, conclusion. Conclusion, c'est qu'on veut ton histoire. Non, on est crispés là, nos muscles sont crispés. On est stressés là, décontracte-nous Gérard. Non, c'est terminé, conclusion maintenant. Non mais Gérard, on est stressés. Conclusion. C'est pas marrant, hein. Conclusion. Gérard. Conclusion. Caroline. En fait Gérard, tu sais pas ce que c'est l'humour. Hein. Non. Caroline, conclusion pour toi. Attends, Gérard. T'as pas d'humour Gérard. La question 10. Gérard, c'est Olivia. Oui. Je voulais te dire, là on est, toutes les filles, les nanas, on est crispés. On est stressé parce qu'on peut pas faire la conclusion si on rit pas. C'est terminé. Il faut un minimum d'humour, Gérard. Non, mais c'est terminé maintenant. Non, mais je crois que Gérard ne connaît pas l'humour. Mais Gérard, une blague toto, même qu'elle. Je viens de te dire que ça s'est terminé, on fait conclusion les 4 heures. Raccroche tous, allez hop. Bah, tu sais, Gérard. Eh ben, raccrochez tous et bonne nuit à tous. Si vous voulez raccrocher, bah, raccrochez ma gueule. Mais qui a dit ça, Gérard? Non, mais moi, je veux pas le savoir. Gérard, celle qui vient de dire qui raccroche, ça raccroche. Oh, Gérard, une histoire drôle, s'il te plaît. Non, j'ai dit conclusion maintenant. Oui. Alors, on peut demander à un mec de dire une histoire drôle. Ouais, à cul, à JQ, là. Olive, une histoire drôle. Conclusion, je demande. Bon, Sildar, il a pas une histoire drôle. C'est bizarre parce que j'avais dit 4 fois, et comme par hasard, le deuxième se passe moins bien que le premier, donc conclusion. Manu, une histoire drôle. Conclusion. Non, mais bon, Olivier, une histoire drôle. Bonne nuit à tous. Mais non, Gérard. Bonne nuit à tous. Mais non. Liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Bonne nuit pour celui qui s'amuse à ça. Alors, vous allez retrouver Bart dans l'émission pub. Attends, donne-nous la thème de conclusion, moi, Gérard. Terminé. Oh non. Merci, Olivier, pour faire le pont derrière. C'est quoi ta conclusion, Gérard? Conclusion, Gérard, on n'a pas d'humour. Donc, conclusion. Gérard, donne-nous ta conclusion. France Télécom, bonjour. Vous avez ta conclusion, Gérard? N'est pas en service actuellement. Après, je te donnerai la mienne, c'est l'histoire. Gérard, tu dis ça qu'à ton nom et on dira la conclusion, Gérard. France Télécom, bonjour. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Quand tu auras terminé de faire le con, tu me préviendras. Ah, mais j'ai rien fait du tout, Gérard. Non, dans ces cas-là. Dans ces cas-là. Oui, pourquoi c'est toujours moi? Écoute, là, j'essaie de savoir qui c'est qui s'amuse à faire ça. Le petit Gérard attend ses parents à l'accueil. Alors, Caroline, conclusion, s'il te plaît. Oui, non, mais je veux la question 10 avant. Tu me la dis? Oui. Très bien. Ça fait chier Gérard, mais bon. Ouais, ça me fait chier. Ah, c'est grave, ça fait chier. Bon, celui qui s'amuse à dire français comme bonjour va se calmer. Alors, croyez-vous que l'humour existe partout chez les gens? Voilà, c'est la dernière question. Attends, et après c'est la conclusion. C'est quoi? Croyez-vous que l'humour existe partout chez les gens? De la tête aux pieds, moi, ça dépend. Tu peux l'avoir dans les oreilles ou... Tu peux répondre, Lolita? Vas-y, Lolita. Bon, bah écoute, moi, je pense qu'elle existe partout, mais ça dépend de la personne que t'as en face. Apparemment, elle existe pas chez toi, Gérard. Non, c'est, Gérard, il a pas eu ça. Voilà, bah si vous faites chez Gérard, eh ben, il aura pas d'humour, et si vous le détendez, il en aura plein. Voilà. En fait, tout ça existe, tout le monde. Non, c'est le contraire. Si tu l'énerves, il aura du humour. Et si tu l'énerves pas, il en aura pas. Alors, qui c'est qui pose cette question, qui tient à peu près pas debout, là? Mais non, j'ai dit Gérard, quand on te fait pas chier, t'as de l'humour. Mm-hmm. Et quand on te fait chier, t'as de l'humour quand même. Attends, c'est Lolita qui répondait. Tu dégages. Qui? Non, le caméraman, là, tu dégages, là. Ah bon, t'intéresses. Je suis un peu trop, là. Le caméraman est demandé au standard. Bon. Ah, donc, c'est Lolita, je peux répondre? Oui, Lolita, je t'écoute. Donc, j'étais en train de dire que si l'on fait chier, on fait chier quelqu'un, même s'il est rempli d'humour, il n'arrivera pas à en sortir une. C'est votre appel. Maintenant, si tout se passe bien, la soirée, elle se passe super cool, on raconte des blagues, on rigole et on ne se force pas à pas rigoler, et voilà. Moi, je voudrais répondre. Moi, pour moi, je trouve que Gérard a beaucoup d'humour, sinon il serait pas là pendant 4 heures. Tu parles. À nous écouter, parce que des fois, on est vraiment hard. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Alors, moi, je vais vous dire une chose, voyez. Ouais. C'est bizarre, parce qu'à chaque fois, le premier débat se passe bien, le deuxième, c'est le vrai bordel pas possible. Bah, c'est normal, on s'est pas piqué, Gérard. C'est bizarre. Mais t'as vu comment tu t'énerves? Ouais, mais sur le premier débat, j'avais... Oui. Faut donner ma conclusion, Gérard. Tu m'as dégagé, mais juste fais là. Encore. Gérard, c'est normal, on est fatigué, au deuxième débat. Qu'est-ce que tu penses de la contrainte? Oula! Donc Gérard menace l'alligator d'un coup de poing. Quand même, il a quand même. Ça rigole plus du tout. Gérard! Cela se prévient là, tu l'as dégagé. J'ai Caroline Confusion. Ou Lolita, ou les gars. Oui, moi, ma figure, une par une. Alors, Caroline. Caroline Confusion pour toi, s'il te plaît. Caroline! Pardon. Ma conclusion, c'est que ça aurait pu très bien se passer si t'avais un peu plus d'humour. Mmh. Mais il en a de l'humour. Non, il a pas d'humour. Non, il a pas d'humour. Si, attendez. Non, mais attends, Caroline, oui. Je vais te dire une chose, qu'il fallait voir un peu le bordel, tu serais arrêté là. Il fallait voir le bordel qu'il y avait ici. Gérard, moi je te dis un truc, si tu changerais un peu de les mots à chaque fois, dégage au standard, peut-être que ça marcherait mieux, non? Mmh. Non, mais dans ce cas-là, attendez, là je vais vous répondre. Caroline, Lolita, Olivia et Carole, je vais vous répondre. Pour l'instant, il y a que vous qui avez été à peu près correct. Allô Gérard, c'est Tony là, j'écoutais là, je trouvais pas le sommeil. Caroline, conclusion pour toi, c'est Tony. Elle a déjà répondu, Gérard. Alors, Lolita. Faut que t'arrêtes le Beaujolais. C'est comme le. Ouais, ben j'ai répondu en premier, Gérard. Réponds, Gérard. J'avais dit que si on fait chez le monde, on n'arrivera pas à aller au bout de l'humour. Oui. Olivia. Donc, ma conclusion, moi, mon petit lapin en sucre, c'est rien aussi. Hein. Mon petit chou, donc, moi, je pense que c'est une question de relativité. Hein. Mm-hmm. Donc, A carré plus B carré, forcément, c'est A carré B carré. N'importe quoi. Ah, si. D'accord. Moi, ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas te faire de boire du Beaujolais, parce qu'après, tu commences à raconter n'importe quoi. Et... Non, c'est bien, mais pour l'instant, c'est pas toi que je me suis adressé pour mais moi, conclusion. Je pars quand même, et il faut qu'on te pique, Annie. Fais-nous un sourire, Gérard, à l'entrée, au moins. C'est crispé, tu nous crispes en même temps. Donc, Carole, pour faire la conclusion. Alors, pour moi, la conclusion, Gérard, ça serait que tu me fasses plaisir, que tu racontes une dernière histoire avant qu'on aille se coucher. Non. Comme ça, bah, je te ferai un gros bisou sur la joue demain. Non, Carole. Et toi, tu te laves avant, hein, que tu te parfumes, mais pas trop d'Adidas, parce que la dernière fois, je puais l'Adidas, quoi. Ouais, c'est Lolita, tu peux nous faire un sourire à l'antenne au moins, qu'on se détende. Gérard. Gérard. Bon, Gérard, tu racontes ton histoire, s'il te plaît, mon amour, de toujours, mon chocolat en or et en sucre. Non, je ne fais pas d'histoire, c'est tout, c'est terminé. Donc, Gérard. La conclusion sur les thèmes des deux débats. Allez, non, Gérard. Donc, je disais que le deuxième débat a été superbe. Mmh. Ouais. Sauf qu'il manque un peu d'humour noir. Ouais. Mmh. Non, Gérard, je voudrais dire un truc. Mm-hmm. C'est Olivia. Oui. Je voulais te dire. Tu vois, par exemple, Elephant Man. Il est pas beau, mais il a de l'humour et on l'adore. Oh, la comparaison. Oh, je t'aurais pas aimé, Gérard. Non, mais c'est pas grave, de toute manière. T'as insulté l'Elephant Man. Mais non, mais je m'en fous, hein. Mais non, Gérard, c'est un exemple. Mais dire, quand ça vient d'une personne, d'une nana, je m'en fous. Mais non, Gérard, c'est pas ça. Comme c'est tellement bien dit qu'à force, je comprends l'humour. J'arrive à comprendre l'humour par les nanas. Ok, bon Gérard, t'es pas beau, c'est de l'humour. Mais ça, non, c'est toi. Ça c'est quoi tu me dis. Chacun ses goûts, voilà. Donc, faire ma conclusion. Moi, je t'aime. Non, mais toi, tu dégages, je sais pas. Non, mais tu dégages. Mais il t'aime. Mais je t'aime. Mais alors, il est pas pédé, Gérard. Il est fan de Gérard. Sinon, à 7h06, je serai couché et je t'écoute. Bon, Manu, c'est le Manu, s'il te plaît. Tu touches. Oui, Gérard. Oui. Tu me sors Tony. Je sors, Tony. C'est tout. C'est pas Tony, c'est Luigi. Non, c'est Arnette. Tu dégages, je dégage. Bon, Gérard, t'as ton histoire, non, là, on l'attend. Okay. Hein. Alors, conclusion. On va pas se coucher tant qu'il n'y a pas d'histoire. Ben, genre, une histoire, je fais conclusion et j'arrête. Mais Gérard, je fais conclusion et j'arrête. Olivier! Qu'est-ce que c'est? Je dormais. Bon, vas-y, on t'écoute, Gérard. Gérard! On va bien faire, Olivier, hein. Bon, Gérard, tu poses ton cul un peu, là. Donc, conclusion sur les deux débats. Le premier s'est très bien passé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième, moins bien. Merci, Olivier. Continue. Bon, Luc! Gérard! Oui? C'est Olivia. Mm-hmm. Oui, mon petit lapin. Je voulais te dire, mais raconte-toi une histoire drôle, juste une petite. J'ai dit que je faisais la conclusion, c'était terminé. Non, mais Gérard, il connaît pas l'histoire. J'ai dit que je faisais la conclusion. J'ai dit que je faisais la conclusion. J'ai dit que c'était la conclusion. Gérard, tu t'amuseras pas comme ça, toi, là-bas. Gérard, est-ce que tu aimes que les gens de l'humour? J'ai dit que je faisais la conclusion. J'ai dit que je faisais la conclusion. J'ai dit que je faisais la conclusion. J'ai dit que je faisais la conclusion. J'ai dit que je faisais la conclusion. J'ai dit que je faisais la conclusion. J'ai dit. Gérard, je vais demander à un mec de nous raconter une blague. La conclusion, alors. Tu On peut demander à Jean-Jules de nous raconter l'histoire. Tu vas prendre un coup de savate encore. Gérard. Elle est encore touchée. Gérard, rallume. Oh non, c'est vous. La bougie, elle est où? Elle est là, je l'ai dans la main. Putain, c'est bizarre. Comme par hasard, ça vient de l'avant. Hein. Alors, tu dois vous dégager. Elle est terminée. Bon, Gérard. Ouais, il y en a qui sont pour rien, Gérard. Bon, Gérard. Gérard, on va demander à quelqu'un de raconter une blague à Annette. Gérard. Gérard, c'est Lolita, c'est une bonne conclusion. Parlez après le bip sonore. France Télécom, bonjour. C'est quand tu veux, Gérard. Ouais, mais c'est terminé, maintenant on va retrouver Dart. Non, c'est terminé. C'est malade. Bon, ouais, s'arrête là, s'il te plaît, Olivier, maintenant. Ça commence à bien faire, c'est tous les jours. Tous les jeudis, tu fais le con, alors bonne nuit à tous. Vous allez retrouver Bart pour la nuit sans pub. Du cul en te leurrant dans la gueule, il t'emmerde, ok. Eh, Gérard, pas d'insulte. Voilà, pour celui qui vient de traiter de l'autre trou du cul, je lui réponds. Gérard, il reste deux minutes pour que tu fasses ta conclusion à toi. Conclusion, déjà, tu me verras le. Je verrai tout le monde. Tu peux faire la conclusion. Conclusion, sur un débat, ça se passe bien. Le deuxième, ça s'est terminé en couille, vous avez pas arrêté. Non, mais d'accord. Mais ok. Gérard, donc, moi, j'ai terminé. Faire un deuxième débat. Avec un bordel comme ça, tous les jeudis, c'est pas possible. Maintenant, je ne pourrais plus faire un débat. Sur l'humour, tu en penses quoi, toi? J'en ai rien à foutre. Sur l'humour, c'était le vrai bordel. T'en as rien à foutre. Voilà. Sur l'humour. Terminé, c'est ta conclusion sur l'humour. Je viens de te dire que j'en avais rien à foutre, je ne répondrai pas. Ma conclusion, c'est que le deuxième débat, c'est tous les jeudis, c'est le vrai bordel. Merci pour rappuyer sur un bouton, je viens de te voir. En de bon entendeur, salut, vous allez retrouver Bart pour la nuit sans pub. Bonne nuit à tous et à la semaine prochaine.